إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير خلقه بعد النبيين والمرسلين اختارهم اختيارا واصطفاهم اصطفاء إذ كانوا أصفى الناس فطرة وأثقبهم فهوما وأحدهم أذهانا وأفصحهم ألسنا وأوعاهم قلوبا وأصدقهم قولا وأزكاهم نفوسا وأتمهم صبرا وشكرا آمنوا بالله ورسوله وثبتوا على الإيمان مع قلة المساعد وضعف النصير من الخلق ناصبهم الناس العداوة فما ضعفوا وما استكانوا جاءتهم الشبهات والشهوات فما لينت منهم قناة ولا كسرت لهم عودا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه وبذلوا في سبيل دعوته الأنفس والأموال والأولاد وهجروا لله ولرسوله الديار والأوطان والأهل والأحباب أحبوا من أحب الله ورسوله ولو كان من قبل عدوا لدودا وأبغضوا من أبغض الله ورسوله ولو كان من قبل حبيبا ودودا ووعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قول وفعل يتعلق به تشريع ودين فحفظوه نصا واستوعبوه فهما ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قاموا بالدين خير قيام جهادا ودعوة وتعليما حتى بلغوا الأمانة كاملة دون نقصان فجزاهم الله عن نبيهم وأمتهم خير الجزاء ورزقنا حبهم والاقتداء بهم والاجتماع بهم في جنات النعيم إنه جواد كريم عباد الله إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة قال أحمد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه وله من الصحبة على قدر ما صاحبه والصحابة هم أفضل وخير الأمة أثنى الله جل وعلا عليهم في مواضع من كتابه قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم ونوه بفضلهم قال صلى الله عليه وسلم ضمن حديث له وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وعن عبد الله بن عمر وعند البغوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدى المستقيم. ولا يأتي أحد بعد الصحابة أفضل منهم ولا أعلى رتبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وأهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة فكلهم خيار وعدول كلهم خيار وعدول. قال ابن صلاح إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا الشذوذ من المبتدعة. والصحابة يتفاوتون في الفضل فأفضلهم مطلقا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي جميع يعني رضي الله عنهم جميعا. وقال إسحاق بن راهوية لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر ولم يكن بعده أفضل من عمر ولم يكن بعده أفضل من عثمان ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي رضي الله عنهم أجمعين. ويفضل أهل السنة بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام والسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. ثم أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم باقي الصحابة كل بحسب رضوان الله عليهم أجمعين كل بحسبهم. يحب أهل السنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويعتقدون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويحب أهل السنة والجماعة أهل البيت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ويصلون عليه مع صلاتهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومع محبة أهل السنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، فهم لا يغلون، لا يغلون في أحد، ولا يرفعونه فوق رتبته، ولا يزعمون لأفرادهم العصمة، لأن الله نهى عن الغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم وعند أبي داود. ألا هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وقال النووي: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الجرائم الشنيعة والمنكرات الفظيعة الإساءة إلى مقام الصحابة بسبهم وطعنهم ولمزهم وتنقصهم ووصفهم بالأوصاف الذميمة والقدح في عدالتهم أو في دينهم أو أخلاقهم، وقد أجمع أهل السنة على حرمة سبهم ولعنهم والقدح فيهم، بل قرروا أن من سبهم يعني من السب لهم ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما هو فسق يستحق صاحبه عليه العقوبة والتعزير، لأن في سبهم مضادة لتزكية الله لهم وثناؤه عليهم، ولأن في ذلك انتهاكا لحدود الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، لأن سبهم يفضي إلى إسقاط عدالتهم وإسقاط الثقة بهم، وذلك يقتضي رد ما نقلوه إلينا من القرآن والسنة. وإذا رددنا القرآن والسنة وشككنا فيهما، وكان ذلك هو الإلحاد بعينه، لأنه هدم للإسلام من أساسه. وهل الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولخطر سب الصحابة جاء النهي والوعيد الشديد والتحذير الأكيد عن الوقوع في سبهم والتلبس به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حسنه السيوطي والألباني في فيض القدير، وصحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. وأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال أحمد في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرى من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق كفر ونفاق وطغيان. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ويتبرؤون، يعني أهل السنة، من طريقة الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة. وقال عبد الله بن المبارك: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني على الصحابة، ولشناعة سبهم والطعن فيهم، فإن من سنن الله في من يسبهم أن يضلهم ويخزيهم ويخذلهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا تجد عامة ظهر عنه شيء من هذه الأقوال، يعني سب الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم، فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغ في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ صالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. إخوة الإسلام، لقد كثر الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان، فالحذر الحذر، وأنكروا على من سمعتموه يلغي في أعراضهم أو ارفعوا أمره إلى من يستطيع أن يمسكه إذا فعل ذلك. ثم اعلموا رحمكم الله أنكم مبعثون يوم القيامة. وأعتذر عن الترجمة اليوم لأننا تأخرنا، فنسأل الله العافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم ورحمة الله donc comme j'ai dit dans la fin de la khutbah, je m'excuse de ne pas avoir traduit en français aujourd'hui. Yani, le temps était court, j'ai été retardé malheureusement. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que inshallah, si vous voulez, je peux vous faire une traduction de la khutbah maintenant en français. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'était uniquement en arabe, donc inchallah je pourrais vous traduire ça maintenant. Naam. Donc le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'était au sujet du mérite des sahaba, et c'est l'explication en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les meilleurs hommes pour être ses compagnons. Et étant donné que le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc la meilleure umma, c'est la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les meilleurs compagnons, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui les a choisis pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils avaient la compréhension la plus perçante et la compréhension la plus tranchante, les langues les plus éloquentes et les cœurs les plus éveillés et les plus véridiques et les plus purs en parole et en esprit, et ceux qui avaient le plus de patience et de reconnaissance. Ils ont cru en Allah et en son messager et ont été fermes sur la foi alors qu'ils avaient peu d'aide. Et au moment où les gens étaient faibles et qu'ils n'avaient pas beaucoup de force, ils ont été les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens les détestaient, les gens s'opposaient à eux, mais ils n'ont pas faibli. Et les doutes et les ambiguïtés et les tentations leur ont été présentées, mais ils sont restés toujours fermes et forts. Ils ont été les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont venus à sa défense, et ils ont dépensé dans le sentier d'Allah tout ce qu'ils avaient de leur personne et de leurs biens et de leurs enfants. Ils ont même quitté pour Allah et son messager leur demeure, leur terre, leur famille et leurs bien-aimés. Ils ont aimé en Allah ce que Allah et son messager aiment. Et même si auparavant c'était des ennemis. Et ils ont détesté pour Allah ce que Allah et son messager détestent, même si auparavant c'était des gens qu'ils aimaient. Et donc, ils ont bien compris les paroles et les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient reliées à les législations et à la religion d'Allah. Et ils l'ont mémorisé et ils l'ont compris avec une bonne compréhension, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ramené à Allah subhanahu wa ta'ala après sa mort. Et bien les sahaba se sont tenus fermes sur sa religion et ils ont lutté dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appelé les gens à la religion d'Allah et ils l'ont enseigné jusqu'à ce qu'ils aient complété le dépôt qui leur avait été laissé de façon complète, sans aucun manquement. alors que Allah les récompense pour son prophète et pour sa umma de la meilleure récompense, et qu'il nous donne leur amour, hein, qu'il fasse qu'on les aime et qu'on les prenne comme un exemple, et qu'on soit tous réunis avec eux dans les jardins des délices. Serviteur d'Allah, les compagnons, la définition d'un compagnon, d'un sahabi, c'est toute personne qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et qui a cru en lui et qui est mort musulman, même si entre-temps il avait apostasié puis qu'il est revenu à l'islam par la suite. Il est considéré comme étant un sahabi. L'imam Ahmed a dit, celui qui a été le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même, c'est-à-dire il a été en sa compagnie soit une année, ou un mois, ou un jour, ou une heure, ou il l'a vu une seule fois en étant croyant en lui, alors il est un compagnon parmi les compagnons selon la proportion ou la quantité de compagnons qu'il a eu, hein, la proportion qu'il a été avec lui. Donc s'il a été avec lui longtemps, il est plus grand, et s'il a été avec lui une heure ou une fois, il l'a vu comme ça, donc selon la proportion. Et les sahabas, ce sont les meilleurs de la umma. Allah a fait leur éloge dans plusieurs versets dans le Coran. Il a dit, par exemple, dans un des versets, ce qui signifie « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les koufars et miséricordieux entre eux. Tu les vois s'incliner, se prosterner, recherchant d'Allah grâce et agrément. Les signes, tu vois dans leur front les signes de la prosternation. Cela est leur exemple dans la Torah. Et l'exemple qu'on donne d'eux dans l'Injil, c'est comme une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Par eux, Allah remplit de rage et de dépit les koufars. Et Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Et il dit également, mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Et ceux-là, ils auront les bonnes récompenses, et ceux-là, ce sont ceux qui auront le succès. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et c'est la grande réussite. Et il dit dans un autre verset à leur sujet ce qui signifie, et les premiers qui ont cru, les tout premiers qui ont accepté la foi parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré, et les ansar, les habitants de Médine, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et ça, c'est le grand succès. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a également fait les éloges de ses compagnons, et il a mentionné leur mérite dans des hadiths dans lesquels il dit par exemple, mes compagnons sont une sécurité pour ma umma, et lorsque mes compagnons partiront, ce qui avait été promis à ma umma leur viendra. C'est rapporté par Muslim. Et selon Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, ou les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération, puis celle qui l'a suivi, puis celle qui l'a suivi. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Et selon Jabir, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a choisi mes compagnons parmi les hommes et les djinns. Hein, il a choisi mes compagnons parmi les meilleurs des hommes et des djinns, excepté les prophètes et les messagers. Et il a dit, c'est rapporté selon Al-Barawi, il dit que Ibn Mas'ud, il a dit, celui qui veut suivre un exemple, qu'il suive l'exemple de ceux qui sont morts. Ceux-là sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah. Naam, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ils étaient les meilleurs de cette umma, ceux qui avaient les cœurs les plus purs et la science la plus profonde, et ceux qui se chargeaient le moins, qui se donnaient le moins de difficultés dans la religion. C'est des gens que Allah a choisis pour être les compagnons de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour transmettre sa religion. Alors prenez-les comme des exemples dans leur comportement et dans leur façon de comprendre, dans leur compréhension, parce que c'était eux qui étaient sur la guidance droite. Et il dit, et que l'un d'entre eux, que personne après les sahaba ne sont meilleurs qu'eux, et personne après les sahaba ne peut être plus élevé en degré, comme c'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, parce que je jure par celui, par celui qui tient mon âme en sa main, n'insultez pas mes compagnons, parce que si l'un d'entre eux, ou si l'un d'entre vous plutôt, donnait en charité la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de ce qu'un sahabi a donné comme une poignée de main, ou même la moitié d'une poignée de main d'or. Donc si quelqu'un d'entre nous donne la montagne de Uhud en or, ça n'aura même pas la valeur de la sadaqa, d'une poignée de main d'un sahabi. Et il a dit, selon Ibn Omar, il a dit, n'insultez pas mes compagnons, ou n'insultez pas les compagnons du prophète Mohammed, parce que le statut de l'un d'entre eux, une heure seulement, avec le prophète, est meilleur que l'action de toute une vie de l'un d'entre vous. Et il a dit également, on dit également que les gens de la Sunna, ils croient que les Sahaba sont les meilleurs et qu'ils sont tous des témoins justes et honnêtes. Et il rapporte cela de Ibn Salah, qui a mentionné le consensus sur le fait que la Ummah est toute d'accord sur l'honnêteté et la justice des Sahaba, de tous les Sahaba, et même ceux d'entre eux qui ont été dans la fitna à un moment donné. Et ça, c'est selon le consensus des savants, ceux de qui on considère le consensus. Et ça, c'est à cause de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis comme bonne transmission, des narrations, et également du fait qu'ils ont transmis la sharia d'Allah. Également, Al-Hafiz ibn Hajar, il a mentionné que les gens de la Sunna sont d'accord que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des témoins honnêtes, et personne ne les a contredits, excepté les gens de Bid'a à ce sujet. Les sahaba sont différents en degré entre eux. Et les meilleurs d'entre eux, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali, radiallahu anhum. Et Ishaq ibn Rahouya, un des imams des salafs, a dit, personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la terre n'est meilleur que Abu Bakr, et personne après lui n'est meilleur que Omar, et personne après lui n'est meilleur que Uthman, et personne après Uthman n'est meilleur que Ali radiyallahu anhum. Et il dit que ensuite les gens de la Sunna considèrent que les 10 qui ont été promis au paradis ou annoncés au paradis sont les meilleurs après eux. Donc le 5e, Talha ibn Ubaidillah. Le 6e, Zubayr ibn al-Awam. Le 7e, Sa'd ibn Abi Waqqas. Le 8e, Sa'id ibn Zayd. Le 9e, Abdurrahman ibn Auf. Et le 10e, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Donc, avec les 4 khulafa, ces 6 autres composent les 10 qui ont été promis au paradis. Ensuite, les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné et leur a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Puis ensuite, les gens qui ont participé à l'allégeance sous l'arbre lors de Bay'at al-Ridwan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à leur sujet qu'il a été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance au prophète, lorsqu'ils ont donné l'allégeance sous l'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre ceux qui ont donné l'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Puis ensuite, le reste des compagnons, selon son degré, ils sont par la suite les meilleurs. Et les gens de la Sunna également aiment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croient que ce sont les mères des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie dans Surat al-Ahzab, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Et il mentionne les versets dans Surat al-Ahzab aussi dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala décrit les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ô femme ou ô épouse du prophète, vous n'êtes comme aucune autre d'entre les femmes. Si vous craignez Allah, alors n'adoucissez pas votre parole pour que celui qui a une maladie dans le cœur ait des souhaits ou des désirs et dites une bonne parole. Et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière dont les gens le faisaient dans l'époque avant l'islam. Et établissez la salat et donnez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut par cela que vous purifiez ou faire partir toute impureté de vous, ô habitants de la maison ou bien gens de la famille du prophète français, et il veut uniquement vous purifier complètement. Donc, on doit aimer les gens de la sunna, on doit aimer la famille également, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont cru et qui ont suivi son exemple et sa sunna. Et ils préservent également à leur sujet le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers eux. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous rappelle d'Allah vis-à-vis de ma famille. Je vous rappelle d'Allah vis-à-vis de ma famille. Et donc, ils envoient les invocations sur sa famille en même temps qu'ils l'envoient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent sallallahu alayhi wa ala alihi. Donc ça implique que c'est sur sa famille aussi. Et également, ils aiment les compagnons. Donc en plus d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la sunna aiment tous les compagnons, toutes les croyants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses, et ils n'exagèrent pas, ils ne tombent pas dans l'extrémisme ou dans l'exagération en élevant certains d'entre eux à un degré plus élevé que ce qu'ils méritent, comme certains par exemple qui exagèrent et qui leur donnent des degrés d'infaillibilité ou qui vont même jusqu'à commettre le shirk avec eux dans l'extrémisme. Ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'exagération dans la religion, car c'est uniquement ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire l'extrémisme dans la religion. Et il est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, que périssent les extrémistes. Et il l'a répété trois fois. Et l'imam al-Nawawi, il a dit, bon, le terme qui est employé c'est al-mutanatti'un, c'est ceux qui exagèrent, qui essaient trop de rentrer dans les petits détails et qui tombent dans l'exagération et qui dépassent les limites. Donc c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et également parmi les crimes et les choses qui sont vraiment graves et mauvaises, c'est de porter atteinte au niveau ou au statut des compagnons en les insultant ou en parlant contre eux, en les attaquant ou en les dénigrant ou les rabaissant avec des descriptions blâmables ou avec des insultes ou en essayant de dénigrer leur honnêteté ou leur religion ou leur comportement. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah sont d'accord pour dire que d'insulter et de dénigrer et d'atteindre à l'honneur des sahabas, c'est quelque chose qui est interdit. Ils ont même dit que d'insulter les sahabas, c'est quelque chose qui peut même rentrer dans le kufr, qui fait sortir de l'islam. Et également, il y en a une catégorie qui peut rentrer dans le fisc, dans les grands péchés, et qui fait que la personne qui le fait méritera une punition pour l'avoir fait, parce qu'il oppose la tazkiya d'Allah pour eux dans le Coran. Et il y a également dans ça le fait de s'attaquer aux limites d'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit également d'insulter ses compagnons et de faire tomber leur honnêteté ou de parler contre leur honnêteté, puisqu'il y a dans ça le fait qu'on fait perdre aux gens la confiance qu'ils ont. Et ça, ça ramène à faire perdre aux gens la confiance en ceux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna. Et si on rejette le Coran et la Sunna et qu'on a des doutes au sujet du Coran et de la Sunna, eh bien, on tombe dans la mécréance. Et c'est qu'est-ce qui amène la destruction de l'islam, de sa base. Parce qu'il n'y a rien, de l'islam excepté que ça vient du Coran et de la Sunna. Et donc, à cause du danger d'insulter les Sahaba, il y a une interdiction et une menace sévère qui a été rapportée à ce sujet-là. Et les imams des salaf ont parlé de ça, de même que même dans certains hadiths, il y a des mentions de ça aussi. Il a été rapporté selon Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons. » Parce que d'insulter, il a dit que Allah maudisse celui qui insulte mes compagnons. Et ça c'est mentionné par Al-Haythami et Al-Tabarani dans Al-Awsat. Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui insulte mes compagnons alors qu'il est la malédiction d'Allah sur lui, ainsi que la malédiction des anges et la malédiction de tous les hommes. » Et ça a été déclaré Hassan par Al-Suyuti et par l'imam Al-Albani dans Fayd al-Qadir et dans Sahih al-Jami' al-Sahir et dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith numéro 2340. Et également il est rapporté selon Abdullah ibn Abbas aussi qu'il a dit « N'insultez pas les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que le statut de l'un d'entre eux une seule heure avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleur que les actions de l'un d'entre vous pendant 40 ans. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmad dans son livre « As-Sunna ». Il dit, parmi les éléments qui font partie de la Sunna et des fondements de la Sunna, qu'on doit mentionner les bons côtés, les belles choses qui ont rapport avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous bons et on doit se retenir de parler de ce qui est arrivé entre eux comme problème ou comme dispute. Et celui qui insulte les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou même un d'entre eux, alors c'est un innovateur, c'est un rafidi. De les aimer, c'est une sunna. Et de faire des invocations pour eux, c'est un rapprochement d'Allah. Et de les suivre et de prendre leur exemple, de suivre leur exemple, c'est un moyen pour se rapprocher à Allah. Et de prendre leur narration, c'est un mérite. De suivre leurs traces, c'est un mérite. L'imam Abu Zur'a al-Razi, un des imams d'Ahl al-Sunnah, il a dit, si tu vois un homme qui dénigre un d'entre les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est un hérétique, un zindiq, un hypocrite. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, il est vérité. Et le Coran est vérité. Et ceux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna, ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils veulent uniquement attaquer et critiquer nos témoins pour détruire le Coran et la Sunna. Et c'est eux qui méritent le plus d'être attaqués et critiqués, car ce sont des hérétiques et des hypocrites. Zanadiqa. L'imam al-Tahawi, il a dit, nous aimons les compagnons du messager d'Allah, et nous ne négligeons pas l'amour d'aucun d'entre eux, et nous ne nous désavouons d'aucun d'entre eux, et nous détestons ceux qui les détestent, et qui les mentionnent par autre que le bien. Hein? Et on ne doit les mentionner que par le bien, et les aimer, ça fait partie de la religion et de la foi et du bien, et de les détester, ça fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie et de la transgression. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Al-Aqidah, Al-Wasitiyya, les gens de la Sunna se désavouent de la voix des Rawafid, la secte des Shia, qu'on appelle les Rawafid, qui sont les 12, Al-Ithna Ashriya, les 12 imams, qui insultent les compagnons et qui les détestent, et qui les insultent. Et on se désavoue également de la voix des Nawasid, ceux qui font du tort à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par les paroles ou les actions, et les gens de la sunna se retiennent de parler de ce qui s'est produit entre les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme fitna et autres. Et il mentionne la parole de Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, Muawiyah, c'est une épreuve. Alors si vous voyez quelqu'un qui parle mal contre lui, alors accusez-le. Vis-à-vis des sahaba, c'est-à-dire accusez-le dans le sens que s'il est capable de parler contre Muawiyah, il est capable de parler contre les autres sahaba aussi. Hein? Et donc il a dit, et donc à cause du mal et de l'aspect laide et mauvaise qu'il y a dans le fait d'insulter les sahaba, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait même une des règles, hein, dans la création, que ceux qui insultent les sahaba, ils sont frappés d'humiliation, hein, et d'ignominie, et Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne et les délaisse. Cheikh al-Islam, il dit, c'est pour ça que tu verras parmi les signes apparents dans leurs paroles, ceux qui insultent les sahaba ou qui les déclarent kuffar ou qui les déclarent qui parlent d'eux, qui les déclarent des pécheurs ou des choses comme ça, tu vois que c'est un hérétique. Et la majorité des hérétiques, ils se cachent derrière leur voix, leur secte ou leur groupe, mais Allah a fait apparaître par eux toutes sortes de signes, hein, et de choses qui sont apparentes dans leur visage, qu'ils sont transformés en porcs pendant leur vie et dans leur mort. Et les ulama a réuni, et il y a des ulama qui ont réuni les paroles des ulama à ce sujet-là. Et l'imam al-Hafiz al-Salih Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid al-Mahdisi, il a écrit un livre à ce sujet qui s'appelle L'interdiction d'insulter les compagnons. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui dans la khutbah, et on a terminé en disant que beaucoup de gens ont insulté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement dans ces temps-ci, et donc il faut faire attention à ce genre de choses-là et ne pas laisser les gens qui le font et en y le faire. Et sachez également donc que en terminant, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui ont aimé les compagnons et que on suive leur exemple et ainsi de suite. Donc ça, c'est un résumé de qu'est-ce qu'on a mentionné aujourd'hui dans la khutba de Jumu'ah. Et je m'excuse de ne pas avoir pu le faire pendant la khutba parce que j'ai été un peu pris. Et donc j'ai été retardé un petit peu, donc j'ai commencé et j'ai fait l'arabe pour que ce soit plus court seulement en arabe. Mais alhamdoulilah, l'important c'est que inshallah vous pourriez tous bénéficier et profiter de la signification de cette khutbah, parce que c'est un sujet très important. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiyakum. Muslim, ça marche? Comment ça marche, ça? Ah, ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, yakoum, inshallah. Salam alaykoum. Ça va. L'Aqida, tantôt tu as parlé sur l'Aqida Tahawiyya. Non. Tu as parlé aussi sur l'Imam al-Razi. Non, Abu Hatim. Non, l'Aqida. Abu Zura'a. L'Aqida al-Wasitiyya. Non. Oui. Tu peux les lire ou bien? Il faut les lire. Il faut les lire ou bien? Oui, il faut. Ça demande des niveaux. Tu peux les lire? Non, tout le monde doit lire ça. Tout le monde. Oui. L'Aqida Tahawiyya, c'est un peu. Il y a des passages difficiles dedans. L'Aqida Tahawiyya, il a parlé là de quelqu'un qui va. S'il est un sunnah ou un jamara, même s'il va mourir, le Dieu, je pense, il va le renvoyer en enfer un petit peu, après il va le sortir parce qu'il est un théorie. C'est vrai ou non? Oui. Ça, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah ou Jama'ah. Non, même s'il va. Que les gens de la Sunnah, c'est-à-dire que les musulmans qui sont sur le Tawhid, même si par exemple il fait des péchés, si Allah le punit en enfer, il ne va pas rester en enfer pour l'éternité. Non. Il va sortir à un moment donné. Ça, c'est pas.